Jérémie chapitre 35. C'est ici la parole qui fut adressée de par l'Éternel à Jérémie, au jour de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, en disant, « Va à la maison des Réchabites, et leur parle, et les fais venir en la maison de l'Éternel, dans l'une des chambres, et présente-leur du vin à boire. » Je pris donc Jaazanja, fils de Jérémie, fils d'Abatsanja, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Réchabites. Et je les fis venir dans la maison de l'Éternel, en la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalja, homme de Dieu, laquelle était près de la chambre des principaux, qui était sur la chambre de Maaseja, fils de Salom, garde des vaisseaux. Et je mis devant les enfants de la maison des Réchabites des gobelets pleins de vin, et des tasses, et je leur dis, buvez du vin. Et ils répondirent, nous ne boirons point de vin, car Jéhonadab, fils de Réchab, notre père, nous a donné un commandement, en disant, vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos enfants, à jamais. Vous ne bâtirez aucune maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez aucune vigne, et vous n'en aurez point, mais vous habiterez en des tentes tous les jours de votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la terre dans laquelle vous séjournez comme étrangers. Nous avons donc obéi à la voix de Jéhonadab, fils de Réchab, notre père, dans toutes les choses qu'il nous a commandées, de sorte que nous n'avons point bu de vin tous les jours de notre vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons bâti aucune maison pour notre demeure, et nous n'avons eu ni vigne, ni champ, ni semence. Mais nous avons demeuré dans des tentes, et nous avons obéi, et avons fait selon toutes les choses que Jéhonadab, notre père, nous a commandées. Mais il est arrivé que quand Nebuchadnetsar, roi de Babylone, est monté au pays, nous avons dit, venez, et entrons dans Jérusalem pour fuir de devant l'armée des Chaldéens, et de devant l'armée de Syrie, et nous sommes demeurés dans Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en disant, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va, et dis aux hommes de Juda, et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous point d'instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Toutes les paroles de Jéhonadab, fils de Réchab, qu'il a commandé à ses enfants, de ne boire point de vin, ont été observées, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, mais ils ont obéi au commandement de leur père. Mais moi, je vous ai parlé, me levant dès le matin, et parlant, et vous ne m'avez point obéi. Car je vous ai envoyé tous les prophètes, mes serviteurs, me levant dès le matin, et les envoyant, pour vous dire, détournez-vous maintenant chacun de son mauvais train, et amendez vos actions, et ne suivez point d'autres dieux pour les servir, afin que vous demeuriez en la terre que j'ai donnée à vous et à vos pères. Mais vous n'avez point incliné vos oreilles, et ne m'avez point écouté. Parce que les enfants de Jéhonadab, fils de Réchab, ont observé le commandement de leur père, lequel il leur avait fait, et que ce peuple-ci ne m'a point écouté. À cause de cela, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, dit ainsi, voici, je m'en vais faire venir sur Juda, et sur tous les habitants de Jérusalem, tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé, et ils n'ont point écouté, et que je les ai appelés, et ils n'ont point répondu. Et Jérémie dit à la maison des Réchabites, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi au commandement de Jéhonadab, votre père, et que vous avez gardé tous ses commandements, et avez fait selon tout ce qu'il vous a commandé. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, il n'arrivera jamais qu'il n'y ait quelqu'un appartenant à Jéhonadab, fils de Réchab, qui assiste devant moi tous les jours.